Toujours ce que j'en pense, autant de fois où j'écris la rime dans sa puissance. Que me reste-t-il à dire si ce n'est putain ouvre les yeux. Regarde ton prochain, vive la misère comme des galeux. Impersonnalité, et je peux dire que ça me dégoûte. On te parle d'humanité, que du blabla sans aucun doute. Se donner bonne conscience, pour toi y'a que ça de vrai. T'as oublié de regarder tous ces pays et ces relais. Arrête de croire que chaque jour on fait du frais. La lumière finira un jour, repartirait son trait. Du réchauffé sur le temps, et je compte plus les heures. À me dire que vraiment la vie en reste son labeur. Il suffit pas de se dire, moi je suis un grand guerrier. Si t'es même pas capable d'entendre tous ces gens crier. Ouvre bien tes mains et parle-nous d'unité. Ouvre bien les yeux et suis les larmes qui ont coulé. Ouvre encore ton cœur et tout ça vaut le coup. Ouvre tes envies sans avoir la corde au cou. Ouvre bien tes mains et parle-nous d'unité. Ouvre bien les yeux et suis les larmes qui ont coulé. Ouvre encore ton cœur et tout ça vaut le coup. Ouvre tes envies sans avoir la corde au cou. Ouvre bien tes mains et parle-nous d'unité. Ouvre bien les yeux et suis les larmes qui ont coulé. Ouvre encore ton cœur et tout ça vaut le coup. Ouvre tes envies sans avoir la corde au cou. Je vois tout ce système qui fait dans l'économie. Et pour se faire briller, se prendre pour des homies. Je me dis que ce monde porte le mot pitoyable. Certains ont faim et d'autres s'engraissent, toujours à table. Ne me dis pas le contraire si ta conscience te parle. Tu me feras plaisir de bien comprendre toujours ce monde affable. Pour qui se prend-on sur la planète universelle? À se battre pour des terres qui peuvent être encore si belles. Un message engagé dans le soutien de ses visions. Et pas tout ce qu'on nous montre encore à la télévision. Et j'ai clippé ce temps parce que l'horloge fait qu'avancer. Le cœur se fatigue et les souvenirs sont ressassés. Il est temps pour moi de vous dire que c'en est assez. Arrêtez de vous détruire pour pouvoir vous engraisser. Vous profiterez de rien si ce n'est qu'une petite partie. Et parce que l'humain est pauvre et que le temps lui impartit. Ouvre bien tes mains et parle-nous d'unité. Ouvre bien les yeux et suis les larmes qui ont coulé. Ouvre encore ton cœur et tout ça vaut le coup. Ouvre tes envies sans avoir la corde au cou. Ouvre bien tes mains et parle-nous d'unité. Ouvre bien les yeux et suis les larmes qui ont coulé. Ouvre encore ton cœur et tout ça vaut le coup. Ouvre tes envies sans avoir la corde au cou. C'est tout ce qu'il faut diffuser. On n'a rien sur cette terre, mon frère. Ne l'oublie pas.